D'Aurélien Scholl, L'Idiote. Saintes est une jolie petite ville de la Charente inférieure, à quelques lieues de Rochefort. On y arrive par une belle et large avenue que coupe brusquement un pont suspendu d'un aspect assez élégant. De chaque côté de l'avenue s'élèvent des maisons neuves, bien bâties et à plusieurs étages. La vieille ville se compose de rues tortueuses qui se lient les unes aux autres, comme les fils d'une toile d'araignée. Les quais offrent aux habitants une charmante promenade. Ce n'est qu'à Rochefort que les eaux de la Charente, étroites et limpides, en cet endroit, sont devenues, dans un lit plus large, vaseuses et d'un jaune safran. De l'autre côté de la rivière s'étendent, à perte de vue, des prairies d'un vert tendre, coupées çà et là de bosquets touffus et humides. Sainte montre avec orgueil aux étrangers les ruines de ses arènes, et sa cathédrale de la Sainte-Trope. Le long des quais et de l'avenue s'étalent des hôtelleries en nombre prodigieux. La grande affaire de Saintes, c'est le passage des messageries. Les diligences de Nantes et d'Angoulême, d'une part, de Bordeaux, de Mortagne et de Royan, de l'autre, viennent déjeuner, dîner et souper à Saintes, où la table d'hôte semble achever en paix sa longue et honorable carrière. Le 1er octobre 1850, à 4 h du soir, on signala à l'entrée du pont la diligence de Paris, qu'on aurait aussi bien pu appeler la diligence de Tours, car déjà le chemin de fer, qui va aujourd'hui jusqu'à Bordeaux, évitait aux chevaux la moitié de leur route. Enfin, de Paris ou de Tours, la diligence arrivait. Les 5 chevaux aux croupes fumantes entraînaient la lourde machine. Le postillon faisait claquer son fouet de droite et de gauche, et le conducteur semblait tout joyeux de l'idée du gigot prochain. On s'arrêta. Les voyageurs descendirent pour reconnaître leurs effets. Un colonel retraité, 2 marchands de nouveautés qui venaient de faire à Paris ce voyage annuel après lequel on affiche grand déballage, un pianiste qui a festé à époque fixe des départements de ses concerts et 3 ou 4 bourgeois ou propriétaires de plus ou moins d'importance se hâtèrent vers le bureau. De la banquette, un jeune homme descendit, la casquette sur l'oreille, un bâton à la main, la pipe aux dents. On lui jeta un sac de nuit et une boîte plate en bois blanc. C'était tout son bagage. « Monsieur, l'hôtel de la Couronne, l'hôtel du bateau à vapeur, mon bon monsieur, à la reine d'Angleterre, au Grand Condé. » Les voyageurs promettaient à toutes les servantes de descendre chez leur patron, ce qui n'empêchait pas les cris et les sollicitations de continuer. Le jeune homme de la banquette s'adressa à un garçon d'écurie. « Madame Duvivier, demanda-t-il, demeure-t-elle toujours sur la route de Ponce ?»« Oui, monsieur. » Tout au commencement, en face le gros marronnier. Merci. Il se mit en route en sifflotant. Après un quart d'heure de marche, il tourna à droite et s'arrêta bientôt devant une claire-voie peinte en vert qui fermait un petit jardin tout frisé de chèvrefeuilles et de clématites, de dahlias et de tournesols. C'est bien là, murmura-t-il, de l'air d'un homme qui se défie de l'accueil qu'il va recevoir. Après une courte hésitation, le jeune homme sembla se décider. Il souleva le loquet qui fermait la porte et s'avança dans le jardin. En 4 ou 5 enjambées, il se trouva sur le seuil de la maison. Une petite maison, haute d'un étage, large de 3 fenêtres. « Qui demandez-vous » cria-t-on de l'intérieur. « Madame Duvivier !» Une vieille femme parut. Son tricot à la main, ses lunettes sur le nez, elle était vêtue d'une robe d'étoffe foncée. Un fichu à carreaux était jeté sur ses épaules. Ses cheveux gris s'enfonçaient sous un de ces bonnets tuyautés qu'on n'en trouve plus que sur les vieilles têtes des vieilles provinces. Et comme cette visite inattendue avait brusquement interrompu son travail, Madame Duvivier avait passé derrière son oreille une interminable aiguille à tricoter. « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, mon ami ?»« Comment, ma reine ? Vous ne me reconnaissez pas ?» demanda le jeune homme. La vieille recula 2 pas en joignant les mains. « Est-il Dieu possible ? » s'écria-t-elle. « Eh oui, Bernard Durand, votre filleul. Entre donc, mon ami, entre que je t'embrasse et que nous causions. » Le jeune homme parut visiblement soulagé. Il embrassa la vieille d'assez bonne grâce et la suivit dans la pièce du rez-de-chaussée. Il plaça sa boîte et son sac de nuit sur une chaise, son bâton dans un coin, et jeta les yeux autour de lui. La salle où il se trouvait semblait être le salon de réception de Madame Duvivier. Un fauteuil en velours d'Utrecht, 6 chaises de noyer, une grande table ronde bien cirée et bien frottée. et surtout une immense armoire garnie de fourrures en étaient les principaux meubles. Sur la cheminée, une pendule d'albâtre, avec des serpents en cuivre aux quatre coins, s'épanouissait entre deux vases peinturlurés. Les vases avaient été soigneusement recouverts de cylindres de verre afin de les protéger contre la poussière. Deux bouquets de fleurs artificielles qui dataient du directoire. Au côté droit de la cheminée, une miniature encadrée de bois noir représentait tant bien que mal un officier de grenadiers. Au côté gauche, la croix de la Légion d'honneur, encadrée comme le portrait, devait lui servir de pendant. Quelques lithographies, pompeusement décorées de noms de tableaux, à cause des cadres, par Madame du Vivier, s'étalaient sans vergogne sur la tapisserie fanée. C'était autant d'épisodes des guerres de l'Empire. La galerie se terminait par une apothéose Napoléon, avec des officiers d'état-major dans les nuages. Un gros chat pelotonné sur un tabouret fixait sur Bernard Durand ses yeux débonnaires. « Tu dois avoir faim, mon pauvre enfant, » dit Madame Duvivier. « Attends, je vais faire une omelette, et pendant ce temps-là, tu pourras commencer à dîner d'un restant de poulet. » Bernard Durand ne dit pas non. Madame Duvivier le fit passer dans la cuisine, et la bonne vieille s'empressa de lui mettre un couvert et d'étaler sur la table les petites richesses de son buffet. « Ah ça, comment donc te trouves-tu à Sainte depuis la mort de ta pauvre mère ? Et si, Madame Duvivier, leva les yeux au ciel, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Si je m'attendais à voir quelqu'un, ce n'est certainement pas toi. Que fais-tu ? Gagnes-tu bien ta vie ? Ma foi, ma reine, je la gagne tout juste. Mais comme je n'ai jamais roulé sur l'or, je me contente de ce qui me vient. J'ai étudié longtemps à l'école des Beaux-Arts, puis chez deux ou trois maîtres, et maintenant je fais des tableaux du mieux que je puis, et on me les achète quelquefois. On appelle ça être peintre. » Madame Vivier, qui battait les œufs dans un plat de terre rouge, ralentit le mouvement de sa fourchette. « Tu fais le portrait des gens riches ?»« Non, je me suis donné au paysage. »« Tu peins des campagnes ?»« Oui, ma reine, des arbres, des moutons, des rochers, des vaches, des moulins, et généralement tout ce qui concerne mon état. » Une drôle d'idée que tu aies eu de prendre ce métier-là. Ton père était un si brave homme. Bernard se mordit les lèvres pour ne pas rire. Que voulez-vous, ma reine ? On fait ce qu'on peut. Et vous ? Moi, mon ami, depuis la mort de mon pauvre Duvivier, je ne pouvais plus me souffrir dans mon débit de tabac. Je l'ai donné à bail à Mme Sanjon pour 1 000 francs par an qu'elle me paye. Duvivier avait acheté cette maison avec une vigne qui est à côté, que je te ferai voir tout à l'heure. Je me suis donc retiré ici, avec ma pauvre Gertrude, et Dieu merci, nous vivons à notre aise, avec les 1 000 francs du débit du tabac et ma petite retraite de veuve d'officier. » Le nom de Gertrude avait embarrassé le jeune peintre. Il tournait et retournait dans sa tête une question qui lui semblait difficile à faire. Gertrude était la fille de Madame Duvivier. Bernard ne se la rappelait guère que comme un souvenir de sa première enfance. Mais il n'avait pas oublié que la pauvre fille était devenue imbécile dès l'âge de 7 ans. À la suite d'une frayeur. Madame Duvivier posa l'omelette sur la table. Bernard se versa un grand verre de vin de Saint-Onge, puis, de l'air d'un homme qui se souvient, « Mais au fait, s'écria-t-il, où est-elle donc, Gertrude ?»« Ah, dès qu'elle a vu un étranger, elle est montée dans sa chambre. »« Ça ne sera rien, elle s'habituera à te voir. Une belle fille, va, je peux bien dire qu'il n'y en a pas beaucoup de si gentilles dans le pays. »« Et des yeux, et des cheveux, et une peau. » Seulement, pas de tête. Pas de tête du tout. Depuis que cette vache l'a renversée, dans le prêt à M. Fornas, on peut bien dire que la petite n'a pas su ce que c'était qu'une idée. Innocente comme au jour qu'elle est née, vois-tu. C'est peut-être un bien. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, pour qu'elle s'en aille tout droit au ciel. Madame Duvivier essuya deux larmes qui lui sillonnaient le visage. Et Bernard jeta un morceau de jambon au matou, qui lui avait posé ses deux pattes sur la cuisse. « Allons, mon enfant, reprit la bonne femme, il faut voir t'installer un lit là-haut. Je te garderai le plus longtemps possible. Ma reine, je resterai une quinzaine de jours avec vous, si vous le permettez. Puis je m'en irai parcourir la Vendée et la Bretagne. Comme il te plaira, mon ami. J'aimais bien tendrement ta pauvre mère, et je t'aimerais bien aussi. » Madame Duvivier embrassa de nouveau son filleul et, comme le repas était terminé, elle le précéda dans l'escalier de bois qui conduisait au premier étage. Le matou suivit en ronflant. Deuxième partie. Bernard Durand avait 25 ans, les cheveux noirs, taillés en brosse, les yeux vifs et interrogateurs. Il plaisait au premier abord par un air de franchise, et l'audace répandue sur toute sa physionomie. Sa voix, ses gestes, ses allures disaient cette inaltérable bonne humeur qui, au jour de misère, devient souvent de l'énergie. Bien des fois, à Paris, il avait déjeuné d'un petit pain et d'un gros calembour. Sa voix moqueuse et voilée ne manquait pas de charme, et sa petite taille, sa vivacité, sa pétulance lui donnaient un air enfantin qui appelait la sympathie. « Tiens, dit Madame Duvivier en poussant une porte, voilà la chambre que tu habiteras. Je vais te mettre des draps blancs et te donner des serviettes. La fenêtre ouvre sur la vigne, il y a quelques arbres fruitiers, vois-tu, et là-bas, aux espaliers, des pêches délicieuses. Je te ferai goûter de tout cela. » À gauche, c'est le potager. Il faut de tout dans une maison. Ce petit coin-là est pour les poules. J'y ai fait mettre une claire-voie parce qu'elles abîmaient les parterres. Alors, fais ta toilette, voilà du savon, puis nous ferons le tour de la propriété. Avec plaisir, ma reine. Vos rosiers embaument. Ah, dame, fit la bonne vieille avec satisfaction. On est à un bon air ici, ce n'est pas comme à Paris. Bernard, la main appuyée sur la fenêtre, promena son regard sur les campagnes environnantes et aspira avec délice les senteurs âpres des prairies. Quand il se retourna, il aperçut, debout sur le seuil de la porte, la plus charmante fille que le soleil eût éclairée pour lui, une beauté invraisemblable et qu'on aurait cru échapper de ce bois aux environs d'Athènes, où Shakespeare a placé Titania. Muet d'étonnement et d'admiration, Bernard tourna la tête vers sa marraine, comme pour l'interroger. « C'est Gertrude, dit celle-ci. » Elle commence à s'apprivoiser. « N'aie pas peur, ma fille, ajouta-t-elle. C'est mon filleul, Bernard. Il était ton ami quand tu étais toute petite. Il va rester quelques jours avec nous. Allons, viens l'embrasser. » Gertrude entra lentement, les yeux baissés, les mains jointes. Bernard put l'examiner à son aise. Comment cette admirable créature avait-elle pu naître de cette vieille femme et de cet officier de grenadier dont le portrait était accroché à la cheminée du salon? Quelle race avait pu pousser cette fleur merveilleuse? De quelle sève était nourrie cette noire et riche chevelure, sous les profondeurs de laquelle se détachait ce front pur et blanc, ces tempes immaculées? Par quel prodige, enfin, cette vierge idiote semblait-elle être le modèle de la grâce et de l'harmonie? À ces réflexions qui se succédèrent rapidement dans son esprit, Bernard sentit son cœur se serrer, et ce fut avec un respect presque religieux qu'il embrassa Gertrude. Troisième partie. Le lendemain, il commença son portrait. Il travaillait 2 heures chaque jour. Puis il allait courir les campagnes, demandant à chaque paysage une page pour son album. Gertrude l'accompagnait souvent dans ses excursions. Bernard lui avait acheté une corde à sauter, et Gertrude aimait à courir jusqu'à perdre haleine. Quand elle se sentait trop essoufflée et près de tomber, elle venait, toute rose, la bouche entrouverte, le sein soulevé, se jeter dans les bras de Bernard, qui la poussait doucement sur l'herbe. Gertrude ne pouvait plus se passer de lui. Chaque matin, dès que sa mère avait fini de l'habiller, elle allait frapper à la porte de Bernard jusqu'à ce qu'il s'éveillât. Le peintre se tournait dolemment dans son lit. « Voilà, voilà, ma petite Gertrude, disait-il. « Lève-toi !» cria impérieusement celle-ci. Un matin que Bernard avait eu plus de peine que de coutume à s'arracher de son lit, Gertrude vint l'appeler 2 ou 3 fois. Le peintre sortit enfin, mais Gertrude, qui le guettait, tapie contre le mur, lui appliqua un vigoureux soufflet et s'enfuit. Après l'avoir longtemps cherché dans la maison et dans le jardin, Madame Duvivier finit par la trouver au fond de la vigne, blottie dans un buisson et tout en larmes. « Je ne sais vraiment pas, dit Madame Duvivier à son filleul, ce qui travaille cette petite. Depuis que tu es ici, c'est un vrai démon. » La bonne vieille attira sa fille sur son sein et l'embrassa. « Ne pleure pas, mon enfant, lui dit-elle avec douceur. C'est oublié. » Gertrude se dégagea des bras de sa mère. Elle considéra un instant Bernard en pleurant. Celui-ci lui tendit la main. Gertrude se jeta à son cou et colla ses lèvres froides sur les lèvres du jeune homme. Bernard se sentit pâlir. Un frisson lui passa de la tête aux pieds et rendit ses baisers à Gertrude. Celle-ci fut bien vite consolée et on alla se mettre à table. C'est là surtout que la triste infirmité de Gertrude se manifestait dans toute son horreur. Elle ne quittait pas le plat de l'œil. Elle suivait avec une convoitise bestiale les morceaux qui ne lui étaient pas destinés. Aussi fallait-il qu'elle fût toujours la première servie. Sans cela, elle se servait elle-même, et Dieu sait comment. Madame Duvivier avait eu toutes les peines du monde à lui apprendre l'usage de la fourchette. Gertrude mangeait avec une gloutonnerie repoussante. Elle avait ces secousses de tête qui suivent les mouvements de la mâchoire chez les chiens et semblent se jeter au-devant du morceau qui ne vient pas assez vite. S'il y avait sur la table un gâteau ou toute autre espèce de friandise, Gertrude commençait par les dévorer, et ce n'est qu'après avoir fini qu'elle se décidait à manger de la viande et du pain. En un mot, elle avait les instincts de la brute et rien de civilisé, rien d'humain. Bernard ne pouvait la voir qu'avec un serrement de cœur. Il n'était pas sans connaître et sans s'expliquer toute l'impression que la jeunesse et la beauté de Gertrude avaient causée sur ses sens. Cependant, il n'osait pas trop s'arrêter à cette pensée, et quand elle se présentait à son esprit, il haussait les épaules et se disait à lui-même « Allons donc, est-ce que c'est possible ?» Il évitait ordinairement de regarder Gertrude manger, mais cherchant un remède à l'ardeur de ses baisers, il ne la perdit pas de vue ce matin-là, et sortit de table plein de dégoût, presque effrayé. Il prit sa boîte et ses pinceaux. Gertrude le regardait faire. « Tu sors ? » demanda-t-elle. « Oui, je vais jusqu'aux trois amandiers. »« Moi aussi. » Elle prit son large chapeau de paille. « C'est un peu loin, la chaleur est étouffante, ça ne fait rien. » « Mais voyez donc, ma reine, quel soleil ! Allons, voilà, dit Madame Duvivier, pour faire voir que tu lui pardonnes. »« Avec plaisir, alors. Partons. » Madame Duvivier les accompagna jusqu'à la porte du jardin et les regarda s'éloigner tous deux. « C'est singulier, pensa-t-elle. Gertrude parle. Elle commence à avoir un peu de mémoire. Elle a retenu le nom des couleurs. » La pauvre mère sentit ses yeux se mouiller et elle murmura de nouveau une prière que bien des fois elle avait faite. « Mon Dieu, voilà si longtemps que je n'ai que la moitié de ma fille. Ne me la rendrez-vous pas tout entière avant que je meure ?» Quatrième partie. Une petite rivière, ou plutôt un ruisseau, qu'on appelait le Ciron, et qui va se jeter dans la Charente, forme un lac en miniature, au pied du plus charmant monticule de la Saintonge. Rien ne manque à l'encadrement de ce bassin limpide, ou frétille de petits goujons, tout resplendissant d'émail et d'argent. La colline est sillonnée de petits filets d'eau qui s'échappent d'étage en étage et entraînent jusqu'à la Charente les feuilles tombées de façon à conserver au bassin toute sa pureté. Les peupliers et les saules qui l'entourent conservent jusqu'à l'hiver une verdure vivace et printanière. Cet endroit presque féerique qu'on appelle les Trois Amandiers, bien qu'on n'en ait jamais vu que deux. C'était une des journées les plus chaudes de la saison. Pas un souffle n'agitait le feuillage, pas un nuage ne troublait la bleue monotonie de l'horizon. Le sol desséché semblait désespéré de la pluie. En arrivant au pied de la colline, Bernard se débarrassa de sa veste de goutil et s'étendit paresseusement sur l'herbe. Gertrude s'assit à côté de lui. Elle jeta son chapeau de paille et dénoua ses cheveux pour les rejeter en arrière. Bernard admirait silencieusement les longues tresses qui se jouaient autour de Gertrude. « Il fait chaud, dit-elle. Je crois bien, fit Bernard. Les pierres étouffent. » Gertrude dégrafa son corsage et l'ouvrit brusquement. Le mouvement qu'elle fit mit à nu dans toute la blancheur son cou et sa poitrine. Bernard ferma les yeux pour se punir d'avoir trop vu et, accablé par la chaleur et par la marche, il tomba dans un assoupissement plein de rêves. Il lui sembla que Gertrude le regardait. Le voyant endormi, elle se déshabillait lentement et, s'avançant jusqu'au bord du bassin, elle agitait l'eau de son petit pied. Elle hésitait, faisant un pas sur le sable, puis reculait tout à coup avec effroi. Familiarisée enfin avec la fraîcheur de l'eau, elle se plongeait avec délice dans le lac où de grandes rides allaient en s'élargissant autour d'elle. Une sauterelle verte à ailes bleues qui vint faire une halte sur le front de Bernard interrompit son rêve et il se tourna de l'autre côté, mais il fut réveillé brusquement par une sensation froide suivie d'un éclat de rire. Il se secoua et aperçut Gertrude, blanche et nue, qui, agenouillée à son côté, le contemplait en lui passant ses cheveux mouillés sur la figure. L'eau roulait encore en perles brillantes sur ses épaules et sur son sein. Tu t'es donc baigné ? Demanda-t-il tout éperdu. Gertrude fit un mouvement de tête pour répondre oui. Mais tu avais bien chaud. Si tu allais être malade. Non, dit-elle. Habille-toi vite, reprit Bernard. Si on venait, nous serions grondés. Tu es mon mari, fit l'idiote. Habille-toi donc, petite malheureuse, s'écria le peintre avec colère. Habille-toi ou je m'en vais tout seul. Il se leva et fit quelques pas. Gertrude le saisit par le bras et se dressant dans son éclatante nudité. Tu me laisses, demanda-t-elle avec douleur. Non, répondit Bernard en passant une main devant ses yeux. Non, je ne te laisse pas, mais pour l'amour de Dieu, habille-toi. Gertrude obéit. Quand elle reprit ses vêtements, il fallut la peigner. Prends bien garde, lui dit Bernard, à ne pas raconter à ta mère que tu t'es baigné. Je ne dirai rien. Est-ce bien sûr que tu ne diras rien? Tu es mon mari, répéta Gertrude. Oh, Jean-Jacques, pensa Bernard, qui était philosophe, comme on a pu le voir. Les cheveux de l'idiote eurent tout le temps de sécher en chemin, et Madame Duvivier ne s'aperçut de rien. Bernard se retira dans sa chambre et se mit à songer. L'image de Gertrude le poursuivait. Il la voyait toujours si belle, si divinement vierge. Les sentiments les plus opposés luttaient dans son cœur, et il se représentait toute la famille d'une séduction si facile. Il se rappelait l'accueil qu'il avait reçu de sa bonne vieille marraine, dont il mangeait le pain. Puis il oubliait tout pour ne plus voir que l'éblouissante splendeur que cette Ève candide avait étalée à ses yeux. Gertrude l'aimait d'ailleurs. Elle aimait autant qu'il lui avait été donné d'aimer. Le déshonneur n'est-il pas une convention? Et qui sait si l'amour ne rendrait pas à Gertrude ce qu'un accident lui avait enlevé? Si ses facultés endormies ne se réveilleraient pas, si cette chrysalide, secouant son engourdissement, sa torpeur, ne reviendrait pas à la vie complète et régénérée. La voix de Madame Duvivier, qu'il appelait pour dîner, vint arracher Bernard à ses réflexions. Gertrude était déjà à table et regardait attentivement le buffet. Cette fois, Bernard évita de laisser tomber les yeux sur elle pendant qu'elle mangeait. Madame Duvivier demanda comment s'était passée la promenade. Bernard lui répondit vaguement et avec distraction. Cependant, il lui sembla que Gertrude rougit quand sa mère parla du lac et du Ciron. Après le dîner, Madame Duvivier, assise sur le seuil de la porte et son chat à côté d'elle, se mit à tricoter en prenant le frais. Bernard fumait sa pipe dans la grande allée qui séparait la vigne blanche de la vigne rouge. Il marchait avec plus d'agitation que de coutume. Gertrude le suivait pas à pas. « Écoute, Gertrude, lui dit le peintre, viens avec moi par ici et comprends bien ce que je vais te dire. » Bernard lui prit la main. « Tu trembles, dit-elle. Ce n'est rien. Écoute-moi. M'aimes-tu? Oui. Eh bien, ce soir, quand tu entendras sonner 10 heures à Sainte-Eutrope, mais sauras-tu compter les heures? Oh oui. Tu regarderas si ta mère dort, et si tu la vois bien endormie, tu descendras tout doucement, comme tu sais le faire, quand tu veux guetter quelqu'un. » Gertrude lui fit signe qu'elle comprenait. « Je t'attendrai sous la tonnelle, nous ferons une promenade de nuit. Veux-tu ? » « Oui, n'y manque pas, et surtout, prends bien garde. Si ta mère s'apercevait de quelque chose, je partirais et tu ne me verrais plus. » L'idiote n'avait pas perdu un mot de ce que lui avait dit Bernard. « Je compterai les heures, répéta-t-elle, et je viendrai. » Bernard l'embrassa et reprit sa promenade. À 8 heures, Madame Duvivier, dont le travail avait été interrompu par les approches de la nuit, rentra chez elle et alluma une lampe de cuivre. « Gertrude, cria-t-elle, il faut se coucher, mon enfant. » « Au 10e coup de cloche, lui répéta Bernard. « Oh, je viendrai, affirma Gertrude. » Bernard l'accompagna jusque dans la cuisine, où Madame Duvivier était occupée à ranger son vaisselier. « Vous vous couchez déjà, marraine ? C'est l'heure, mon ami. Tôt couché, tôt levé. La vie n'y perd rien. Allons, bonsoir. Bonsoir, mon enfant. Attends un peu que je t'embrasse. » La bonne vieille regarda son filleul avec attendrissement. « Je songe à ta pauvre mère, lui dit-elle. Comme elle serait heureuse ici, avec nous, si le bon Dieu nous l'avait laissée. Ce sont toujours les bons qui partent. C'est moi qui fais son mariage. Quand tu es venu au monde, elle t'a embrassé la première et moi la seconde. Ton père n'a été que le troisième. Enfin, il ne faut pas que je songe à tout ça, parce que je ne finirai pas de bavarder. Les vieilles gens aiment tous à causer, vois-tu. Tu as bien vu au moins que je ne manquais jamais de lui porter des fleurs au cimetière. Pauvre Madeleine, je l'aimais tant. Madame Duvivier essuya deux larmes qui sillonnaient ses vieilles joues sans couleur, mais d'un mat solide et d'une santé vertueuse. Allons, reprit-elle, bonne nuit, mon enfant. Je t'aime bien, toi aussi, va. Et tant qu'il y aura du pain chez la marraine, tu peux être bien sûr de n'en pas manquer. Bernard était profondément ému. Il avait oublié l'atelier, les camarades et l'Asie de la rue de l'Ouest. Il monta dans sa chambre et, prenant sa tête entre ses mains, il pleura abondamment. La cloche de Sainte-Trope sonna la demi après 9 heures. Il se leva et, s'armant de résolution, il prit son sac de nuit, sa boîte à couleurs et son bâton de voyage. Il alluma sa pipe et descendit. Mais, au lieu de se diriger vers la tonnelle, il enjamba la palissade et se trouva sur la route. Le ciel était parsemé d'étoiles. La lune se levait derrière les peupliers qui bordent la Charente. La prairie exhalait l'âpre et délicieuse senteur des regains. C'était une de ces nuits qui font aimer la vie. Bernard se mit bravement en route. Son cœur battait violemment. Au détour du chemin, il jeta un dernier regard sur la maison de sa marraine. Regard plein de larmes et d'amour. Tout à coup, il fit un pas en avant. Il lui avait semblé voir une ombre blanche traverser la ligne. L'image de Gertrude sortant du bain passa devant lui comme un fantôme. Il eut un moment d'hésitation, mais faisant un brusque retour sur lui-même. « Non, ce serait trop lâche, » dit-il. Il tourna promptement le coin de la route, pressa le pas et disparut. La chair était vaincue. Cinquième partie. Bernard Durand mit un mois à revenir à Paris, s'arrêtant au bord de l'Indre ou dans ce site de la Loire, chaque fois qu'un coteau, un chemin creux ou un bouquet d'arbres l'engageait à rester. Un beau soir, il se trouva enfin devant la porte de son atelier, située au fond d'une allée, rue Carnot, derrière le jardin du Luxembourg. La concierge prit de ses nouvelles avec un empressement intéressé, car elle s'était chargée de faire le ménage de Bernard, moyennant une somme ronde de 1 200 par mois. Elle lui demanda si c'était bien vrai ce qu'on lui avait dit, que la campagne était plus grande que Paris. Bernard l'assura que l'on n'était pas trompé. « Ah, j'oubliais !» s'écria tout à coup la concierge. « Il est arrivé une lettre pour vous. Oh, voilà bien 3 semaines qu'elle est là. »« Voyons la lettre, » dit Bernard. Et jetant les yeux sur le timbre, « C'est de ma marraine, » murmura-t-il. Il déchira l'enveloppe et lut. « Mon cher enfant, tu es parti si brusquement que j'en ai été tout suffoqué. Je t'en veux beaucoup de cette façon de brûler la politesse à ta pauvre vieille marraine. Aussi ne t'aurais-je pas écrit sans un incident aussi douloureux qu'inattendu. Il faut croire que tu as fait prendre quelque chose à la pauvre Gertrude. C'est du moins ce qu'affirme la mère Ferrand, qui passe pour une sorcière dans le pays. Après ton départ, Gertrude t'a cherché partout. Elle allait de ta chambre au fond du jardin, puis elle courait aux amandiers, à l'endroit même où tu as installé ton chevalet. L'innocente t'appelait de toutes ses forces. Puis, ne te voyant pas venir, elle se mettait à pleurer en disant « Il est mort, il est mort !» Ça a été comme cela pendant 2 ou 3 jours. Gertrude dépérissait à vue d'œil. Elle était blanche comme de la cire. Enfin, elle a pris le lit. Une fièvre ardente la dévore. Le médecin la nourrit avec un peu de bouillon et un peu de lait. C'est tout ce qu'on peut lui faire prendre. La pauvre petite s'était habituée à te voir. Reviens vite. Aide-moi à la guérir. Tu trouveras sous ce pli un mandat poste de 80 francs pour payer le voyage si tu n'as pas d'argent. Ce matin, le docteur, après avoir tâté le pouls de la petite, s'est écrié « La nature ne perd jamais ses droits. Si votre fille ne revient pas, je n'ai pu répondre de la vie de votre fille. » Je n'ai compris qu'une chose, c'est que Gertrude est perdue. Viens donc vite. Ta marraine, qui t'embrasse en pleurant. Veuve du vivier. Je repars, s'écria Bernard, et au grand étonnement de la concierge, il appela un fiacre qui revenait à vide et cria au cocher, à la gare d'Orléans. 3 semaines. Lalette avait 3 semaines de date. Bien souvent, réveillé au milieu de la nuit, il avait revu Gertrude, étalant sous le ciel bleu son innocente nudité. Ce jeune corps vierge s'inclinait doucement vers lui. Il ressentait encore l'impression de la tresse mouillée que la jeune fille lui passait sur la figure en le frôlant de sa gorge naissante sur laquelle couraient quelques gouttes d'eau. La nature ne perd jamais ses droits, avait dit le médecin. Eh bien, soit, il allait retrouver cette merveilleuse créature sans âme que le hasard lui donnait pour femelle. Il avait été bien bête après tout. Le fruit était là, il n'avait qu'à le cueillir. Et par un scrupule exagéré, il s'était dérobé à cet amour matériel, mais tout plein de délices. À qui eût-il fait tort? Gertrude devait-elle avoir un mari? Où le trouver? 3 semaines. Arriverait-il encore à temps? Son cœur se serrait à l'idée qu'il ne retrouverait peut-être pas l'idiote. Il voyait un cercueil blanc sortir de la maison de sa marraine et disparaître sous la tourelle. Un prêtre et 2 enfants de cœur l'accompagnaient. Bernard secouait ce cauchemar et, se penchant en dehors du wagon, il trouvait que la route était bien longue. 6e partie. Quand il se retrouva devant la porte à claire-voie qui fermait le petit jardin de Madame Duvivier, le cœur lui battit violemment. Il était 5 heures de l'après-midi, le soleil disparaissait derrière la maison, une fauvette à tête noire chantait sur un églantier au bord du bassin d'arrosage. Bernard avança et, par la fenêtre ouverte du rez-de-chaussée, il aperçut Gertrude, pâle, les yeux à demi fermés, étendue sur un grand fauteuil. Madame Duvivier lui présentait une tasse. Gertrude la repoussa violemment et, se levant en sursaut, « Là, là !» dit-elle, et un sourire extatique s'étendit sur sa figure maigrie. Elle s'élança en avant, mais ses jambes trop faibles de pouvoir la supporter, elle chancela. Madame Duvivier la retint et, jetant les yeux du côté de la porte, « C'est lui !» s'écria-t-elle. Gertrude s'était jetée au cou de Bernard. Elle le serrait dans ses bras, le couvrant de baisers, se frottant contre lui comme une chatte. Puis, épuisée, elle se laissa retomber dans son fauteuil et s'endormit, la bouche entrouverte comme dans un rêve. Bernard put alors expliquer à sa marraine comment il n'avait reçu sa lettre que la veille, et celle-ci lui raconta longuement toutes les phases de la maladie de Gertrude. Une maladie de langueur, avait dit le médecin. « Je comprends tout maintenant, » ajouta la bonne femme, et fixant les yeux sur Bernard. « Qu'allons-nous faire ? » demanda-t-elle. « Tu ne veux pas l'épouser, n'est-ce pas ?»« Ma reine, » dit le peintre, « je vous avoue que je n'y ai pas songé. »« Oui, c'est juste. Mais alors tu ne peux pas rester ici. Elle mourra, puisque c'est la volonté de Dieu. »« Laissez-moi au moins la soigner, » s'écria Bernard. « Je m'en irai quand Gertrude sera rétablie. » Quand elle sera rétablie, soit, mais si la nature ne perd jamais ses droits, il y aura une rechute. Qui sait, fit Bernard, sans s'avouer à lui-même que cette fois, il ne quitterait pas la maison sans avoir possédé l'innocente qui s'était offerte à lui. Madame Duvivier répéta, qui sait, cela est vrai, qui sait. Et elle s'accrocha à cette espérance. 7e partie. Gertrude reprit ses forces à vue d'œil. Ses joues retrouvèrent leur couleur rosée et ses lèvres leur incarnat. Elle se remit à courir comme une folle dans la prairie, puis, tout essoufflée, elle s'appuyait sur l'épaule de Bernard, le brûlant de son haleine. Le peintre était depuis un mois l'hôte de Madame Duvivier, quand celle-ci fut obligée de s'abstenir pour aller se rendre compte de l'état d'une petite ferme qu'elle possédait à 2 lieues de la ville. Un revenu de 600 francs par an, c'était pour elle une grosse affaire. Elle partit à 8 heures du matin, annonçant qu'elle serait de retour pour dîner. Gertrude, dont la langue s'était déliée, lui souhaita un bon voyage. Et quand elle fut partie, « Donne-moi ma leçon, » dit-elle à Bernard. Celui-ci prit un alphabet. « Tu sais ce que tu m'as promis, » ajouta Gertrude. « Oui, quand tu sauras lire, nous nous marierons. Nous serons mari et femme, et nous ne nous quitterons jamais. »« Jamais, » dit Bernard, la voix altérée. Et il passa la main sur son front. « Comme ce sera gentil, » dit Gertrude, en battant des mains. « Je lirai plus tard. Jouons. » Elle le prit par la main. « Par ici, viens voir ma chambre. » Tous deux gravirent le petit escalier de bois qui conduisait au premier étage. La chambre de Gertrude était pleine de soleil. Par la fenêtre ouverte montaient les parfums du jasmin et de la clématite. Gertrude s'assit sur le bord du lit. « C'est bon d'être seule, » dit-elle. Bernard se sentait envahi par une sorte d'ivresse. Il appuya ses lèvres sur celles de Gertrude, qui se mit à rire d'un petit rire saccadé. Les joues de la jeune fille étaient brûlantes. Ses mains se cramponnaient aux épaules de Bernard. Instantanément, elle se trouva dans ses bras. Et lui, presque sans savoir, mordant ses cheveux, disait à cette belle créature, sans penser à cette femelle, « Je t'aime. » Huitième partie. Quand Madame Duvivier revint, elle trouva un papier plié en quatre sur la table à ouvrage. Elle eut le pressentiment de malheur. « Je suis un misérable, vous ne me verrez plus, Bernard. » Madame Duvivier courut à la chambre de sa fille. En la voyant, Gertrude cacha sa figure sur son oreiller. C'est ainsi qu'après la première faute, Ève entrelaça des feuilles de figuier et en fit de quoi se couvrir. La pauvre mère pleura silencieusement et se tut. Le soir, à table, Gertrude ne parla point. À 8 heures, elle alla se coucher sans embrasser sa mère. Celle-ci, voyant de la lumière, monta doucement, et par une fenêtre d'encoignure dont elle avait vue sur la chambre de sa fille, elle l'observa. Il y avait 2 ou 3 lignes sur la table, et Gertrude essayait de lire. Neuvième partie. 3 ans après, un matin du mois de mars, M. Bernard Durand, après avoir bourré et allumé une pipe, s'était campé devant une toile ébauchée. Il étudiait son œuvre. De temps à autre, il promenait le fusain sur la toile, dessinant un contour, rectifiant une ligne malvenue. Il avait eu des succès fructueux depuis son voyage à Saintes. Un tableau représentant une baigneuse lui avait valu une seconde médaille. Ses toiles se vendaient bien. Et cependant, le jeune artiste était sombre et soucieux. Ses confrères disaient en riant « Ce garçon-là doit avoir un cadavre quelque part. » On ne lui connaissait pas de maîtresse. Si quelqu'un le plaisantait à cet égard, il répondait « J'ai ma pipe. » Après avoir retouché son esquisse, Bernard ouvrit le tiroir de bahut. Il en retira un panneau de 50 cm de hauteur et le contempla longuement. C'était le modèle de sa baigneuse. C'était Gertrude trempant le bout de son pied dans la petite rivière Saint-Ongeoise. À ce moment, on frappa à la porte. « Entrez, dit-il !» Et il aperçut une jeune femme, mise avec une certaine recherche, et tenant à la main un petit garçon, un bébé tout frisé, à l'œil étonné. Derrière elle se tenait une vieille dame, à l'air embarrassée. « Ma marraine, Gertrude !» s'écria le peintre. « C'est bien nous, dit Gertrude. Nous vous attendions toujours. Mais comme vous ne reveniez pas, j'ai voulu vous apporter moi-même une nouvelle. Ah »« Ah ?»« Oui, continua la jeune femme en appuyant sur les mots. « Je sais lire et écrire maintenant. » Bernard, les larmes aux yeux, embrassa Gertrude, puis sa marraine, et tout en hésitant, il étendit vers le bébé un doigt interrogateur. Gertrude prit le petit à deux mains et l'haussant jusqu'aux lèvres de Bernard, elle lui dit simplement « Est-ce que tu ne trouves pas qu'il te ressemble ?» Fin.